Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, Chirac Assad, 10 ans de diplomatie franco-syrienne. Depuis 2011, la Syrie est plongée dans une guerre responsable de centaines de milliers de morts. De la révolution pacifique du printemps arabe à l'intervention d'une coalition internationale, de la guerre civile au conflit armé, la Syrie est à feu et à sang. Au centre de l'équation, Bachar al-Assad, le président syrien et son régime, principale cible de la révolution avortée de 2011. Bachar, dont on a annoncé à de nombreuses reprises la chute, mais qui est encore là, mieux encore ou pire encore, il reste incontournable. Il n'est qu'à suivre les atermoiements français pour comprendre l'évolution de la situation. De Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande, tous ont tour à tour condamné le président syrien, fait de son départ un préalable à tout règlement de la situation, puis, confrontés au réel, ils ont réajusté leur discours. Oui, décidément, le potentat syrien est incontournable. À observer ces fluctuations, on ne peut s'empêcher de regarder quelques années en arrière. De 1996 à 2006, une décennie pendant laquelle le président Jacques Chirac a placé la Syrie au cœur de sa politique au Proche-Orient et à partir de là, peut-être, le verre était-il dans le fruit. Notre invité aujourd'hui, Manon Nourtanous, docteur en relations internationales, auteur du livre « Chirac, Assad et les autres », publié aux éditions Presse universitaire de France l'an dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Les funérailles du président syrien auront duré près de 12 heures. Elles se sont terminées ici, dans la ville de Kardaa, sa ville natale à 300 km au nord de Damas. Un adieu sous forme de baiser de la part des militaires. La population, elle, réunie en foule immense, a dû attendre des heures sous un soleil de plomb avant de voir passer la dépouille du lion, traduction de Assad en français. La cérémonie avait commencé tôt ce matin à Damas. Très vite, elle a donné lieu à des scènes d'évanouissement et d'hystérie. La chaleur n'était sûrement pas étrangère à ces incidents, mais les Syriens gardent la tête suffisamment froide pour restituer le discours officiel devant les caméras étrangères. La mort du président nous touche beaucoup. Il nous a gouvernés pendant 30 ans. C'était un homme sage. Juin 2000, Syrie. Ce jour-là, ils sont des centaines de milliers, hommes, femmes, enfants, réunis le long des routes de Damas à Kardaa. Tous suivent le cercueil noir dans lequel repose celui qu'on appelle le lion de Damas. Ce jour-là, la Syrie enterre l'homme qui la gouverne depuis 30 ans, Hafez al-Assad. De Damas à Kardaa, de la capitale jusqu'au fief de la famille Assad dans la montagne Alaouite, trajectoire inversée de celle d'un homme qui, trois décennies durant, aura mené son pays selon les méthodes du parfait dictateur. Un pouvoir sans partage, autoritaire et brutal, à l'image de son dirigeant austère et dur. Alors, dans le cortège funéraire, sur la route du retour, tous, Syriens, observateurs, journalistes, retracent le parcours du président défunt. Comme tout dirigeant arabe, Hafez al-Assad ne porte pas seulement son histoire personnelle ou familiale. Il incarne aussi et surtout son clan, sa communauté. Celle d'Assad est alaouite, une branche de l'islam chiite, fondée au 9e siècle, dont l'histoire est marquée par les persécutions et les massacres. Et puis, quand on est déclassé et misérable, l'un des rares moyens d'échapper à son destin, en tout cas pour les membres de cette communauté, c'est l'armée. Et c'est le chemin qu'emprunte Hafez al-Assad, bientôt brillant pilote de l'armée de l'air. L'armée est le parti basse qu'il intègre à 16 ans à peine. Comme d'autres jeunes alaouites, Hafez se retrouve dans les idéaux de justice sociale et de laïcité défendus par ce parti. L'armée et le parti, voici déjà en germe les deux piliers du pouvoir d'Assad. Depuis 1946 et la fin du protectorat français, la Syrie vit une succession de crises politiques. Mieux organisé et plus solide, le parti basse prend rapidement la tête de la révolution qui renverse en 1963 la domination imposée par le dirigeant égyptien Nasser. Trois ans plus tard, après un nouveau coup d'État, Hafez al-Assad prend le pouvoir, tout le pouvoir. Élu président en 1971, il s'impose par la force. Il s'appuie sur les Mourkarbrat, les services secrets syriens, et il crée sa propre milice, les Brigades de défense, dirigées par son frère Rifat al-Assad. Au-delà de la répression intérieure, c'est par son positionnement régional et international qu'Hafez al-Assad consolide son pouvoir. Il le comprend vite. La Syrie, pays pauvre, sous-peuplé, sans grandes ressources, doit devenir un acteur indispensable du conflit israélo-arabe et du Proche-Orient. Cette stratégie nécessite un acte fondateur. Eh bien, il survient dès 1973, 2 ans après son arrivée au pouvoir. Israël sort affaibli de la guerre de Kippour et Hafez al-Assad replace la Syrie dans la région 6 ans après la défaite de la guerre des Six Jours. Du Liban à l'Iran, de l'Irak à l'URSS, pendant 30 ans, Hafez impose la voix de son pays. D'ailleurs, ce 11 juin 2000, de retour des obsèques du dictateur, une présence retient l'attention. Là, se recueillant devant le cercueil, serrant la main du jeune fils Bachar al-Assad, censé prendre la succession, on voit un homme, que dis-je, une figure internationale, Jacques Chirac. Le président français est le seul dirigeant d'un pays occidental présent aux funérailles. Comment l'expliquer? Pour le comprendre, et comme bien souvent, il faut revenir quelques années en arrière. Au Liban, les raids aériens se poursuivent ce soir et vont se poursuivre tout au long de la nuit contre plusieurs localités considérées par Israël comme des fiefs du Hezbollah. De son côté, la milice pro-iranienne a bombardé à la roquette le nord d'Israël. Le récit de cette escalade avec Jean-Marc Pitt. Les prochaines heures risquent d'être longues pour les Libanais. Le chef de l'armée de l'air israélienne a promis que les raids se poursuivraient durant la nuit. Aujourd'hui, c'est par 13 fois que les avions ou les hélicoptères israéliens ont frappé le territoire libanais. Le bilan de ces opérations s'élevait en début de soirée à 12 morts. La plupart de ces attaques ont été précédées d'injonctions de l'armée israélienne à quitter les villes et les villages du Liban Sud qui étaient visés. Ce sont donc des dizaines de milliers de civils qui ont repris la route de l'exode. En quelques heures, la ville de Nabatieh a entièrement été vidée de ses 60 000 habitants. Les faubourgs de Beyrouth ont également été touchés par ces raids. Un soldat syrien a trouvé la mort au cours de l'attaque d'une position de son armée. « 11 avril 1996, Israël lance une opération militaire contre le Liban. Baptisée « Raisin de la colère », elle vise les forces du Hezbollah placées au sud du pays. L'objectif israélien est clair. Après l'échec des négociations directes entre la Syrie et Israël à White Plantation en 1995, l'État hébreu veut forcer le Liban et la Syrie, principaux soutiens des Hezbollah, à faire pression sur le groupe chiite manipulé par l'Iran. Depuis Paris, Jacques Chirac voit l'occasion de mettre en pratique la refondation de la politique arabe de la France qu'il a annoncée à son arrivée au pouvoir. Et au cœur de cette politique, il y a la Syrie d'Hafez al-Assad. Dès le 15 avril, 4 jours après le début de l'opération, Jacques Chirac envoie Hervé Charette, le ministre des Affaires étrangères, à Tel Aviv et affiche les ambitions françaises. L'homme du Quai d'Orsay ne repartira qu'une fois la crise réglée. Par cette intervention diplomatique, Jacques Chirac entend replacer la France, mais aussi l'Europe, au cœur de la région, histoire de ne pas laisser le champ complètement libre aux États-Unis, qui d'ailleurs tardent à réagir. 10 jours plus tard, le 26 avril, la signature du cessez-le-feu et la mise en place d'un comité de surveillance composé des États-Unis, d'Israël, du Liban, de la Syrie et de la France reprend les grandes lignes de la position défendue par Paris. La victoire diplomatique franco-syrienne est alors totale. La crise des raisins de la colère devient l'acte fondateur d'une véritable stratégie française en direction de la Syrie. Et quelques mois plus tard... Je ne suis pas ici pour donner des leçons à quiconque. Je suis venu ici comme un homme de paix et pour apporter ma contribution, si on la souhaite, à la reprise du processus de paix. Donc l'Europe ne peut pas rester indifférente. Elle est, je dirais, au premier chef concernée par ce qui se passe ici. Alors je n'essaye pas, naturellement, d'entrer par effraction. Je dis simplement que nous sommes disponibles et que nous avons des raisons valables d'être concernés et qu'un certain équilibre des choses peuvent justifier la présence de l'Europe et de la France dans l'élaboration du processus de paix. On verra ensuite ce que souhaiteront les uns ou les autres. Nous sommes en réalité, dans cette affaire, des hommes de bonne volonté. Le 20 octobre 1996, Damas. La veille, Jacques Chirac a eu droit à tous les honneurs à son arrivée en Syrie. Il entame une tournée régionale au Proche-Orient et c'est à Damas qu'il commence. Pour la France, venir en Syrie est un signal fort. Mais c'est faire fi des affrontements passés, de l'assassinat de l'ambassadeur français au Liban, Louis Delamarre, en 1981, de l'attentat de Drakkar, en 1983. Enfin, toutes ces crises que les deux pays ont traversées, cela dit. François Mitterrand était allé en Syrie, lui aussi, en 1984. Il avait amorcé le processus de rapprochement. Jacques Chirac en est convaincu. On ne peut pas faire sans la Syrie et sans Hafez al-Assad. Et il en a conscience depuis longtemps. Déjà, en 1976, alors Premier ministre, il avait reçu Hafez al-Assad à Paris. Vingt ans plus tard, Jacques Chirac vient officialiser ce rapprochement franco-syrien. Le règlement de la dette syrienne envers la France, la mise en place d'une coopération privilégiée avec la création de l'INA, l'Institut National de l'Administration Syrienne, soutenu par l'ENA français, qui sert de modèle et d'intermédiaire, la création d'un groupe d'amitié France-Syrie au Sénat, le jumelage des villes de Lyon et d'Alep, la signature de plusieurs contrats, enfin toutes ces initiatives, sont autant d'actes qui valident ce processus. Et la prise de conscience est réciproque. Côté syrien aussi, on mesure l'avantage de cette relation renforcée et privilégiée. Deux ans après la visite de Jacques Chirac, c'est au tour d'Hafez al-Assad de se rendre à Paris. Nous ne devons pas nous résigner. Nous savons que la paix n'est possible au Proche et au Moyen-Orient qu'avec la Syrie. Alors travaillons ensemble, Monsieur le Président, pour la paix. Une paix juste, globale, durable. Une paix qui ne laisse personne au bord du chemin, pour n'être jamais remise en question, pour installer définitivement la confiance. Cette paix, le droit international en a posé les fondements. C'est le principe de l'échange de la terre contre la paix qui est au cœur des résolutions 242 et 338. C'est l'application pour le Liban de la résolution 425 du Conseil de sécurité. Ce principe de l'échange de la terre contre la paix, il fonde depuis toujours la position de la France. Au cœur de la volonté de Jacques Chirac de renouer et de renforcer la relation avec Damas se trouve un troisième acteur, une troisième motivation, le Liban. Et un troisième homme, Rafik Hariri. C'est au début des années 80 que cet homme d'affaires commence à investir la scène politique libanaise. D'origine sunnite modeste, Rafik Hariri joue un rôle d'intermédiaire entre Beyrouth et Damas pour le compte du roi Fahd d'Arabie Saoudite et s'est fait ainsi connaître du président syrien. Par ailleurs, Rafik Hariri est un ami personnel de Jacques Chirac. C'est également dans les années 80 que les deux hommes se sont rencontrés. À l'époque, Jacques Chirac est maire de Paris. Au cours de leur ascension respective, les deux hommes ne se sont jamais perdus de vue. En 1992, Hariri devient Premier ministre du Liban. Et trois ans plus tard, Jacques Chirac entre à l'Élysée. Celui que le président français appelle son frère devient un intime. Les deux hommes se voient régulièrement, en dehors de tout protocole, et cette relation singulière, sans déterminer la politique arabe de Jacques Chirac, l'influence quand même largement. Pour la France, le Liban tient une place particulière, et ce depuis toujours. Les relations entre Paris et Beyrouth sont nouées depuis des décennies, et Jacques Chirac insiste souvent pour faire de ce pays l'un des exemples dans cette région. Côté syrien également, le Liban occupe une place à part. La mainmise de Damas sur ce pays, la présence depuis les années 70 de ses 30 000 soldats, a une valeur stratégique régionale. Pour Rafik Hariri et Jacques Chirac, la stratégie est claire. La seule manière de desserrer l'étreinte syrienne au Liban, c'est d'entretenir de bonnes relations avec Damas, et en particulier avec Hafez al-Assad. En octobre 1998, l'élection présidentielle libanaise est un test pour les relations entre ces trois pays. Solution de compromis, l'élection du général Laoud à la tête de l'État libanais donne le sentiment aux différents acteurs d'une réussite de leur coopération. Sur les conseils d'Hariri, Chirac établit une liste de 5 noms qu'il communique à Hafez al-Assad lors de sa visite à l'Élysée. Parmi eux, le général Laoud fait figure de compromis acceptable par tous. En réalité, il suffit de quelques semaines après l'élection pour qu'Hariri comprenne que le nouveau président Émile Laoud est avant tout l'homme de Damas et qu'il illustre la reprise en main d'Hafez al-Assad sur le Liban. Il est poussé à la démission et, quelques mois plus tard... L'homme qui a dirigé le Liban de 92 à 98 est aujourd'hui dans le collimateur de la justice. Rafik Hariri serait impliqué dans un détournement de fonds à la caisse autonome des municipalités. On parle de 500 millions de dollars. Le gouvernement qui a saisi la justice veut axer l'enquête sur les transactions financières opérées par des organismes qui relevaient directement de l'autorité de l'ancien Premier ministre. Cette affaire qui fait grand bruit au Liban s'inscrit dans le cadre de l'opération main propre promise par le nouveau président libanais. Dès son élection en novembre dernier, Émile Laoud avait affirmé que les deniers spoliés de l'État seraient récupérés. Un objectif très ambitieux dans un pays où, à la tête de l'État, gestion et corruption ont longtemps fait bon ménage. C'est aussi à l'occasion de cette présidentielle libanaise en 98 qu'on observe la montée en puissance d'un quatrième homme, Bachar al-Assad. Depuis quelques années déjà, Hafez prépare sa succession. Celle-ci prend une tournure inattendue quelques années plus tôt, en 1994, lorsque son successeur désigné, Bassel al-Assad, frère aîné de Bachar, meurt dans un accident de voiture. Le président syrien est contraint de réajuster ses plans et reporte donc son choix sur son autre fils Bachar. Médecin de formation, ophtalmo, car dit-on Bachar ne supportait pas la vue du sang, le voici propulsé sur le devant de la scène. Officiellement, le jeune homme de 34 ans dirige la Société syrienne de l'informatique, un poste idéal pour donner une image de modernité et d'éprouver cette qualité au contact des entrepreneurs locaux et étrangers. Sur le plan politique, Bachar est aussi en charge de la question libanaise. C'est lui d'ailleurs qui fait campagne sur place pour le candidat Émile Laoud. Enfin, Hafez al-Assad fait en sorte de faciliter l'arrivée au pouvoir de son fils. En 1998, il déchoit de toutes ses fonctions son frère, Rafat al-Assad, vice-président. Alors, de retour aux funérailles d'Hafez al-Assad, 2 ans plus tard, le 11 juin 2000, tous les regards se tournent vers ce jeune homme à l'allure maladroite et en retrait, amené pourtant à prendre la relève. Comment la France et Jacques Chirac vont-ils poursuivre leur doctrine diplomatique en direction de la Syrie avec ce nouvel acteur? Quel changement cela va-t-il engendrer en Syrie et au Proche-Orient? Autant de questions qui, pour le moment, en ce 11 juin 2000, devant le cercueil d'Hafez al-Assad, restent en suspens. Un référendum qui s'apparente au plébiscite. Les Syriens se sont rendus aux urnes en masse aujourd'hui. Ils devraient confirmer Bachar el-Assad, le fils du président défunt qui deviendra alors président pour au moins 7 ans. La seule inconnue reste le taux de participation de ce scrutin. Tout est allé très vite, comme si c'était écrit. D'ailleurs, c'était écrit. Paraphrase al-Assad lui-même. Comme si l'enchaînement logique et rapide devait forcer l'évidence. Ainsi, quelques jours seulement après les funérailles d'Hafez al-Assad, Bachar, son fils, est promu d'un seul coup général et commandant en chef des forces armées. Puis, il est désigné candidat à la présidence par le parti Baas. L'armée et le parti, les deux piliers du pouvoir, sont reconduits de père en fils. Dans la foulée, le Parlement amende la Constitution pour baisser l'âge minimum de la candidature présidentielle de 40 à 34 ans. Car faut-il le rappeler, la Syrie est censée être une démocratie et non un régime dynastique. Cela paraît étrange de dire ça aujourd'hui, mais pourtant sur le papier c'est le cas. Reste que c'est bien la candidature unique de Bachar al-Assad qui est examinée par le Parlement et que ce dernier soumet au peuple par référendum. De son côté, comment la France et le président Jacques Chirac perçoivent-ils l'arrivée au pouvoir de ce nouvel homme? Eh bien, positivement et sans surprise. Positivement, oui, car la jeunesse et la personnalité de Bachar sont considérées comme des atouts. Et puis, le nouveau président affiche sa volonté de réforme politique et économique. Il annonce des grandes mesures pour lutter contre la corruption, desserrer les taux répressifs à l'intérieur du pays. Jacques Chirac sait que Bachar sera le successeur d'Hafez. La préparation de cette succession a même été l'un des symboles du rapprochement entre les deux pays. Un choix qui pourtant ne va pas de soi, puisqu'il revient à légitimer un processus non démocratique. Mais là encore, les intérêts de la relation bilatérale prédominent. Côté syrien, le soutien français permet de donner à Bachar al-Assad une première assise internationale. Jacques Chirac endosse donc le rôle de mentor pour le jeune Bachar. Mais un peu plus d'un an seulement après l'arrivée au pouvoir de Bachar al-Assad, un événement fait entrer les relations entre la France et la Syrie dans un nouveau contexte. On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York. The floor is completely engulfed. We're on the floor and we can't breathe. And it's very, very, very hot. I'm gonna die. Flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Après le crash du premier avion, il y en a eu un second. Il venait du sud et a heurté la tour sud vers le haut de l'immeuble. Ça ne peut être qu'une action terroriste. C'est tout ce que je peux vous dire. Face aux attentats du 11 septembre 2001, Jacques Chirac et Bachar al-Assad se retrouvent sur la lecture et les conséquences de cette tragédie. Les deux hommes constatent en effet le choc provoqué par cet événement et appréhendent tous les deux la réaction américaine. Il se trouve par ailleurs que le 1er janvier 2002, quelques mois seulement après les attentats, la Syrie siège au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. La concertation entre les deux pays est donc accrue. Oui, Paris et Damas soutiennent l'intervention en Afghanistan que lance le président américain George Bush dès le mois d'octobre 2001. La France, mais surtout la Syrie, intègre le processus de coopération demandé par les Américains pour la lutte contre le terrorisme. Bachar al-Assad s'empresse de réactiver le discours officiel tenu depuis plusieurs années. Son pays est lui aussi confronté depuis des décennies à la lutte contre les frères musulmans et donc à cet islamisme radical qui touche aujourd'hui les États-Unis. Une manière pour le nouveau président de légitimer une répression intérieure et dans le même temps de se réinsérer dans le concert international. Ainsi, la Syrie offre-t-elle rapidement son expertise et ses renseignements aux Américains. Et que ce soit côté français comme syrien, on se retrouve sur un autre point. La réticence et les craintes de la doctrine défendue par l'administration Bush, sa fameuse lutte contre l'axe du mal. Si la Syrie n'est pas dans la liste de Bush, elle reste toujours considérée par les États-Unis comme un pays ennemi. Il faut donc manœuvrer pour éviter que Damas ne se retrouve visé à son tour par les Américains. Or, 2 ans après l'intervention en Afghanistan, le président Bush annonce son intention d'entrer en guerre contre l'Irak de Saddam Hussein. La France et la Syrie s'opposent à cette décision. À l'ONU, Paris profite de sa relation privilégiée avec Damas pour lui faire signer la résolution 1441 qui repousse un temps l'entrée en guerre. Un vote qui ne va pas de soi pour le pouvoir syrien puisqu'il vise un pays arabe bassiste, lui aussi de surcroît, et voisin. Mais que d'efforts et de contorsions pour rien, finalement. Quelques mois plus tard, en effet, George Bush déclare ceci. Le temps de la tromperie et de la cruauté est maintenant terminé. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. S'ils refusent de partir, une action militaire sera lancée au moment que nous choisirons. Je lance un appel urgent à tous les militaires irakiens et aux services secrets. Si la guerre éclate, ne vous battez pas pour un régime qui n'a que faire de votre vie. Tous les militaires et tous les civils devraient écouter attentivement cet avertissement. En cas de conflit, votre sort dépendra de vos actions. Ne détruisez pas les puits de pétrole, une source de richesse qui appartient au peuple irakien. N'obéissez pas aux ordres d'utiliser des armes de destruction massive contre quiconque, y compris contre la population irakienne. La question irakienne modifie la relation entre la France et la Syrie. L'intervention américaine dégrade les relations entre la France et les États-Unis. Et les Syriens, eux, ne peuvent légitimer ce type d'intervention. Ça veut dire que l'étau se resserre sur Damas. D'abord parce que Paris ne peut rester trop longtemps en froid avec les États-Unis et parce que les menaces américaines contre le régime syrien s'intensifient. Et puis, la France ne voit pas grand-chose des réformes promises par le président Bachar al-Assad. Ce dernier renonce au contraire à toute ouverture politique. Pour Jacques Chirac, le soutien à un régime non démocratique devient délicat sur le plan intérieur et inefficace sur le plan extérieur. Face à cette situation, les relations se dégradent et c'est de nouveau autour du Liban que la rupture se dessine. Car sur ce terrain-là aussi, le président Chirac note avec déception l'absence d'avancée. Pire, face à l'évolution du contexte régional, Bachar al-Assad renforce la mainmise syrienne sur le pays. On se souvient que c'est lui qui a soutenu le président actuel Emine Laoud, dont l'élection a provoqué le départ de l'ami de Jacques Chirac, Rafik Hariri. Largement réélu en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac consacre alors son second mandat à la scène internationale avec un objectif prioritaire et défendu depuis des années, restaurer l'indépendance du Liban, en d'autres termes, obtenir le retrait des troupes syriennes. Et c'est bien avec cet objectif en tête que s'opère un glissement stratégique. Le rapprochement des relations franco-américaines se fait à mesure que la relation franco-syrienne, elle, se dilue. Un système de vases communicants. Américains et Français se consacrent alors au vote d'une résolution à l'ONU en vue d'obtenir le retrait des troupes syriennes. Préparé en lien direct avec Rafik Hariri, de retour au poste de Premier ministre à Beyrouth depuis 2 ans, rédigé en secret de manière conjointe entre Paris et Washington, cette résolution 1559, votée le 2 septembre 2004, contraint la Syrie à retirer ses troupes du Liban. Cette décision à l'échelle onusienne se traduit à l'échelle locale libanaise. Les tensions se cristallisent autour de l'élection présidentielle prévue dans quelques mois. Bachar al-Assad veut garder la main sur le pays, et pour cela, il faut qu'Emile Laoud soit réélu. Malgré de nombreuses oppositions, Bachar al-Assad soutient cette réélection. Après le vote de la résolution à l'ONU, les menaces sur Hariri se font de plus en plus fortes. Et quelques mois plus tard, le 14 février 2005... L'attentat contre Rafik Hariri a donc été revendiqué par une organisation islamiste inconnue, Nasser wa Jihad fi Bilad al-Sham, qui l'a lié à la guerre des salafistes contre l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que la zone où s'est produit l'attentat, à 30 mètres de l'hôtel Phénicia, devant le port de plaisance de Beyrouth, est une des zones les plus surveillées de la capitale libanaise, car c'est la zone qui accueille la jet set arabe, qui depuis le 11 septembre avait fait de Beyrouth son centre. Il faut souligner que la presse libanaise se faisait l'écho, il y a quelques jours, d'un avertissement de, je cite, la communauté internationale à Damas, avertissement qui aurait mis en garde la Syrie contre toute attaque attaque contre Rafik Hariri ou le leader druze Walid Jumblatt. La réaction française et la réaction américaine, très sévère contre Damas et le régime libanais, indiquent que les deux principaux sponsors de la résolution 1559 de l'ONU, qui appelle au retrait syrien du Liban, restent très méfiants vis-à-vis des pouvoirs en place à Beyrouth comme à Damas. La mort de Rafik Hariri marque la rupture de la relation bilatérale franco-syrienne établie 10 ans plus tôt par Jacques Chirac. Tous les regards se tournent alors vers Bachar al-Assad, soupçonné d'avoir orchestré cet attentat contre l'homme politique libanais. Au-delà du symbole politique de l'échec de l'option diplomatique choisie, le président français a perdu son ami. Il se rend d'ailleurs à Beyrouth au chevet de la famille Hariri quelques jours après la tragédie, dans un Liban coupé en deux. L'attentat provoque une mobilisation de la société libanaise sans commune mesure. Des millions de personnes manifestent dans la rue pendant plusieurs jours. La pression sur le régime de Damas s'intensifie et Bachar al-Assad est contraint d'appliquer la résolution votée quelques mois plus tôt à l'ONU. Ainsi, le 26 avril 2005, après 29 ans de présence au Liban, sirène hurlante de véhicules 4x4 franchissant la frontière à vive allure, suivi d'autobus pleins, mais vraiment pleins, de militaires syriens faisant lever de la victoire. La dernière démonstration de l'armée syrienne au Liban n'est pas passée inaperçue, même si peu de Libanais s'étaient rassemblés pour les voir partir, préférant fêter le retour de l'armée nationale dans une région occupée depuis 29 ans. Plus tôt, dans la matinée, les officiels libanais avaient rendu hommage à cette armée qu'ils ont qualifiée de sœur dans une cérémonie tout à son honneur organisée au cœur de la plaine de la Bekaa. Marches militaires, hymnes nationaux, sonneries aux morts, en somme tout un cérémonial empreint de beaucoup de solennité pour cet adieu militaire. La rupture entre Damas et Paris est consommée. Avec le retrait des troupes syriennes, Jacques Chirac, dans un même mouvement, enregistre une victoire diplomatique et une revanche politique. Face à l'inertie du régime syrien, au nécessaire réchauffement des relations avec les États-Unis, à l'indépendance du Liban, le président français est obligé de mettre fin à la relation mise en place 10 ans plus tôt. Et, signe que cette rupture est consommée, 10 ans après l'opération des raisins de la colère, le 12 juillet 2006, en réaction à l'annonce de la capture de 2 soldats israéliens par le Hezbollah, Israël lance l'opération « Juste rétribution » contre le groupe chiite et bombarde le Sud-Liban. Comme 10 ans plus tôt, la France, à l'inverse des Américains, condamne l'action israélienne, mais cette fois, elle se garde bien de se tourner vers son ancien allié syrien. Voilà, on aurait pu croire le fil franco-syrien définitivement rompu. Et pourtant, un an plus tard, le successeur de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, accueille Bachar al-Assad à l'Élysée. Le signe qu'au royaume des relations internationales, si les hommes passent, les nécessités diplomatiques, elles, perdurent. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, France-Syrie, je t'aime moi non plus. Notre invité, Manon Nour-Tanous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en relations internationales, auteur du livre Chirac, Assad et les autres, publié aux éditions Presse universitaire de France l'an dernier. Chirac, Assad et les autres, c'est qui les autres, déjà? Alors, les autres, ça peut être beaucoup de monde, c'est l'intérêt d'avoir opté pour ce terme. C'est d'abord les autres présidences que vous avez évoquées dans la première partie de cette émission, puisqu'on a ce sentiment de répétition dans les relations franco-syriennes. Alors, la relation Chirac-Assad me semble être la matrice de tout ce qu'on a pu faire pour la diplomatie française avec les Syriens, mais on avait le même type de schéma sous François Mitterrand, sous Nicolas Sarkozy. Donc, les autres, c'est aussi les autres séquences. Et les autres, c'est enfin les autres acteurs. Ah oui. Puisque entre la France et la Syrie, il y a beaucoup de dossiers qui sont discutés. Et il y a le Liban en premier lieu, bien sûr. Le Liban étant l'essentiel d'entre eux, mais aussi le dossier israélo-arabe, le dossier irakien après 2003. Et iranien, à travers et iranien également. Donc ces dynamiques régionales restent centrales et les autres englobent tout cela. Alors, on va revenir sur les relations entre la Syrie et la France depuis le protectorat de 1926 à 1946. Alors, protectorat, ça veut pas dire colonie, ça veut dire quand même lien particulier. En gros, c'est « je te protège, mais c'est pas gratuit ». Oui, alors c'était une forme particulière de la politique coloniale française et britannique, oui. Puisque les deux pays avaient ce qu'on a appelé un mandat sur la région, et la France avait mandat sur la Syrie et le Liban. Et donc, selon le statut de l'entre-deux-guerres défini par la SDN, à l'époque la Société des Nations, il y avait cette ambiguïté de mener ces peuples à l'indépendance et à l'autonomie, mais par l'intermédiaire d'une relation privilégiée avec, entre guillemets, des nations civilisées. Donc, il y avait ce double mouvement. L'indépendance en ligne de mire, mais une dynamique coloniale qui a géré ces années de 1920 à 46. Plus marqué au Liban de la part de la France qu'en Syrie ou non? Alors, le Liban a été l'objet d'une politique particulière parce que la France a rapidement identifié une zone qu'elle percevait comme étant plus chrétienne, à majorité chrétienne, et donc a essayé de détacher cette région par une autonomie puis par l'indépendance. Mais la différenciation entre la Syrie et le Liban s'est surtout faite après l'indépendance des deux pays, quand la Syrie a adopté une politique plus nationaliste arabe, dans la lignée aussi de ce qui se faisait en Égypte à l'époque, alors que le Liban a continué l'héritage mandataire avec une relation privilégiée avec la France. Alors, rappelons que la Syrie était partenaire de l'Égypte dans une politique pan-arabe, qui n'a pas abouti finalement. Oui, il y a même eu une union, un État unique, la République arabe unie de 58 à 61, qui unissait l'Égypte et la Syrie sous la présidence de Nasser. Absolument. Alors, l'option syrienne, donc de Jacques Chirac, alors est au cœur de sa refonte d'une politique extérieure arabe et au Proche-Orient, on va dire même Moyen-Orient. Et est-ce qu'il y a là une réminiscence de la fameuse politique, dit-on, pro-arabe du général de Gaulle? Oui, je pense que c'est continuité, très clair. Quoi, voilà. Voilà, c'est le chiracisme de 95-96 s'identifie clairement à la politique arabe du général de Gaulle, qui est même mentionné dans le discours que fait Jacques Chirac au Caire en 96, où il dit que la France a vocation à retrouver son rôle dans les grandes capitales arabes, non pas comme donneuse de leçons, pour reprendre des termes contemporains, et non pas en s'intéressant aux droits de l'homme, mais comme partenaire politique et stratégique, et c'est la politique qui va mettre en œuvre avec la Syrie en particulier. Alors on sait que les relations diplomatiques passent aussi par des relations personnelles, ce que peut se comprendre d'ailleurs. Quel genre de relations entretenait Jacques Chirac et Hafez al-Assad? Il y avait une forme d'admiration chez Jacques Chirac, mais envers en fait l'ensemble de ses partenaires dirigeants de pays du tiers-monde. Il y a eu des phrases qu'il aurait prononcées qui ont été rapportées, disant, je cite, qu'il était soufflé par ce type, Assad, qui, issu d'une minorité, avait réussi à prendre le contrôle de ce pays. Donc il y a cette dimension-là qui fait en fait que l'échange est possible et qu'une relation de confiance va pouvoir s'établir, tout en ayant conscience évidemment de ce que peut faire le régime syrien contre les intérêts de la France, puisqu'on n'est pas loin après l'époque mitterrandienne et toute cette série d'attentats, d'enlèvements de prise d'otages qui a eu au Liban et qui ciblait la France. Est-ce qu'on peut dire que la Syrie a fait partie des États, dits États voyous, qui commanditent des attentats, comme l'a fait la Libye de Kadhafi, notamment, et puis l'Iran des Mollahs, juste après la Révolution? Oui, alors tout ce vocabulaire d'État voyou est un peu postérieur, mais en fait, quand on lit les télégrammes diplomatiques des années 80-90, les diplomates français identifient très clairement le terrorisme, pour prendre ce cas précis, comme étant un des outils que le régime syrien avait à sa disposition. Donc, par voie indirecte le plus souvent, ça a pu être par des mouvements palestiniens, en instrumentalisant la guerre Iran-Irak, entre autres, mais c'est un outil que le régime syrien ne refusait pas d'employer lorsqu'il s'agissait de faire passer des messages aux Occidentaux. Je reviens à la diplomatie. Vous parlez dans votre livre d'une diplomatie de levier. C'est d'ailleurs le cœur de votre thèse. Qu'est-ce que la diplomatie de levier ? Alors, la diplomatie de levier, c'est une clé de lecture que je propose qui nous permet, je crois, de comprendre pourquoi les relations franco-syriennes ont été aussi fluctuantes que ce que vous avez décrit dans la première partie de l'émission. Il peut y avoir une cause unique, et cette cause unique, je crois, c'est que la France et la Syrie n'ont pas d'intérêt direct l'une pour l'autre, et que si la France parle à la Syrie ou si les Syriens parlent aux Français, c'est toujours pour des intérêts indirects et en particulier pour des dossiers régionaux. Donc la France a noué une relation avec les Assad, père et fils, pour avoir un rôle au Moyen-Orient. Et inversement, les Syriens ont noué une relation avec la France pour avoir l'oreille des Européens, parfois des Américains. Et tout ça fait effet de levier. Ça décuple le rôle de chacun des deux acteurs sur la scène régionale. Ça veut dire que dans un monde mondialisé, interconnecté avec des relations internationales et diplomatiques dans tous les sens, les relations bilatérales entre certains pays ont un sens, donc. Oui, les relations bilatérales, à mon avis, sont vraiment un point d'observation à privilégier. Alors, on les a toujours mises un peu de côté sur ces dernières décennies, en pensant que les grandes décisions avaient lieu aujourd'hui dans les grandes enceintes, l'ONU, le G7, les enceintes dans lesquelles on discute de l'avenir du climat ou de l'environnement. Mais si on revient à une relation bilatérale, donc entre deux États, entre deux administrations, eh bien on se rend compte que c'est un moyen d'observer des dynamiques plus larges, mais d'une autre manière. Donc étudier la relation franco-syrienne, ça m'a permis d'étudier la politique américaine, le dossier israélo-arabe, la politique européenne envers la région, mais sous un angle différent qui apporte souvent de nouvelles conclusions. Alors, cette relation bilatérale à laquelle on s'est intéressé aujourd'hui, elle s'est nouée entre Hafez al-Assad et Jacques Chirac. Est-ce qu'on peut dire tout de même que le jugement de Jacques Chirac a pu être un peu faussé par la passion personnelle qu'il a pour ce pays, le Liban, et ses relations personnelles avec Hariri, notamment, et cette volonté, ce deuxième mandat, il va tout mettre sur l'international, ce qu'a fait Mitterrand d'ailleurs aussi, sur l'international. Mais pour faire en sorte que le Liban retrouve sa souveraineté, ça n'a pas un peu altéré son jugement, cette passion-là? Oui, alors, bon, l'obsession française du Liban dépasse la présidence de Jacques Chirac. Oui, ce qu'il a eu de particulier, c'est cette relation personnelle construite avec Rafik Hariri, donc qui a été Premier ministre du Liban, qui a en fait fait basculer l'alliance que la France avait avec la communauté chrétienne, puisque Hariri est sunnite. Donc le prisme d'accès de la France à la scène politique libanaise a changé. Et surtout, je crois que ça a amplifié les réactions de la France par rapport à la déception que vous avez décrite de Jacques Chirac sur la politique que suivaient les Syriens. Donc il y a une rationalité. Jacques Chirac est un chef d'État. Il pense aux intérêts de la France quand il renoue avec les Syriens en 96. Mais cette dimension personnelle et émotive va sans doute décupler la réaction française, et en particulier dans la phase de dégradation après l'assassinat de Hariri. Et on va y venir. Tout d'abord, la succession de Bachar a été soutenue par Chirac. On a l'impression que Jacques Chirac aimait bien avoir un rôle de mentor pour certains jeunes dirigeants arabes. On pense à Mohamed VI au Maroc ou au roi Abdallah, le fils du Seine-Jordanie. Oui, il s'est vu comme un parrain, en fait, de ses dirigeants. Il a pensé pouvoir les modeler, leur enseigner tout ce qu'il avait pu retenir de sa propre expérience politique. Donc, il fait ce pari. De toute façon, la succession monarchique, on a parlé de répu monarchie pour la Syrie, donc c'est-à-dire quand même une succession de père en fils, elle était mise en route. Mais Chirac fait ce pari de penser que le jeune dirigeant sera potentiellement plus moderne. Et donc, il l'accueille en France dès 99, avant même qu'il devienne président, un an avant la mort du père, Hafez al-Assad. Alors, il y a deux raisons pour ça. Je pense qu'il y a des raisons négatives qu'on retrouve, là encore dans l'analyse des diplomates, qui sont d'éviter une déstabilisation du pays, la prise du pouvoir par d'autres branches du clan familial ou par les frères musulmans. Et les raisons positives qui sont plus mobilisées, qui sont que Bachar al-Assad apparaît comme un dirigeant moderne, formé à Londres. Il s'attribue tous les adjectifs de la modernité. Sa femme n'est pas voilée, il ne porte pas la barbe. Enfin, tous ces éléments reviennent dans l'analyse que les diplomates ont à l'époque. Et, dans les télégrammes diplomatiques, on retrouve le terme « il pense comme nous pensons », voilà. Ce qui est révélateur. Bachar al-Assad, le renouveau, jusqu'au jour où son peuple se soulève, et on connaît la suite. On va faire un bond en avant, pas long, d'un an. Nous sommes maintenant en 2008, un an après l'élection de Nicolas Sarkozy, successeur, comme Jacques le sait, de Jacques Chirac. Il y a un blindé sur la piste, mais c'est un invité qui vient d'atterrir à Paris. Bachar al-Assad et son épouse Asma. Garde républicaine au garde-à-vous, tapis rouge. Pour la France, le maître de Damas n'est plus un paria. Le symbole est fort. Quand il arrive à l'Élysée, Bachar al-Assad est accueilli en bas des marches. Le président de la République n'a pas hésité à descendre dans la cour pour le saluer. Pour le protocole, c'est une marque d'estime. Mais l'enjeu est de taille. À la fin de la rencontre, Bachar al-Assad va accepter ce que la Syrie refuse depuis 60 ans, l'établissement de relations diplomatiques entre Damas et Beyrouth. Par principe, pour nous, il n'y a aucun problème pour ouvrir une ambassade au Liban. Pour le Liban, c'est important de jouir de toute sa souveraineté. Nous encourageons tout ce qui peut ramener la paix totale dans la région. Qu'est-ce qu'on pense à l'époque de Bachar al-Assad? Je le rappelle, on est en 2008, donc 3 ans avant le soulèvement tragique des Syriens. Qu'est-ce qu'on dit de Bachar al-Assad? La Syrie va changer, elle se modernise. Il a incarné une forme d'espoir ou pas? Ou on ne s'est jamais laissé vraiment trop berner? Il a incarné une forme d'espoir sous Jacques Chirac, c'est certain, au moment de cet éphémère printemps de Damas, qui a duré quelques mois, voire un an. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de mémoire dans l'approche que les Français ont de ce pays et que Nicolas Sarkozy, en voulant faire de l'anti-Chirac, va refaire du Chirac. C'est-à-dire qu'on a la conviction chez les Français que si on isole la Syrie, elle peut être nuisible et qu'en la réintégrant, c'est le pari que fait Nicolas Sarkozy en 2008, on peut obtenir des concessions. Donc on a exactement les mêmes dynamiques en attribuant cette possible évolution au régime syrien. Il y a toujours ce rêve implicite de penser pouvoir réformer le régime. Et ça ne marche pas, hein. Non. Donc en fait, la France est peut-être replacée à travers cet exemple-là, comme dans d'autres, à sa juste place. C'est pas une hyperpuissance, une puissance qui compte, hein. Évidemment, la France, elle compte, mais pas tant que ça. La preuve, ça recadre un peu ça, non? Oui, alors c'est sans doute une leçon d'humilité pour la politique française qui a quand même une expertise tout à fait inédite de la Syrie et du Liban. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait valoir en 2011 quand il s'agit de changer de dynamique. Mais l'idée, c'était de dire, sur le temps long, le mandat, puis ensuite, la France sait ce que c'est de traiter avec le régime, connaît les limites des concessions ou des compromis que celui-ci peut effectuer, et donc à ce titre, doit être écoutée. Ensuite, les moyens sont un peu en décalage par rapport à cette ambition initiale. Oui, ça reste quand même, que ce soit et pour Jacques Chirac et pour Nicolas Sarkozy, dans leur volonté de voir la Syrie se démocratiser, ne serait-ce qu'un peu, c'est quand même cause toujours qui m'intéresse, hein, au bout du compte. Oui, oui, oui, ces rêves de réforme n'ont jamais abouti. Ça a même été une ressource pour Bachar al-Assad, qui a joué le jeu de dire « je serai le partenaire de la réforme de mon pays, mais il nous faut du temps, il faut diminuer les pressions à l'encontre de mon régime », et les Français ont accepté ce temps accordé au président syrien. Comment on peut expliquer cette réaction de Bachar al-Assad après le printemps arabe que les Syriens ont tenté de mener à bien dans ce pays? Pourquoi cette répression, comme ça, brutale, c'est la filiation de son père, ça, c'est des réflexes de la famille Assad, sa conception du pouvoir? Alors, le modèle mobilisé en 2011, là encore, d'après ce que racontent les diplomates français aujourd'hui, c'est effectivement le modèle de Hama, qui est cette ville syrienne écrasée par le régime en 82 pour s'être soulevée. Alors, à l'époque, en partie, c'était en partie attisé par les frères musulmans. C'est le modèle, à savoir que faire 30 000 morts a assuré 30 ans de carrière politique à Hafez al-Assad et que le Bachar al-Assad était prêt à effectuer la même politique. Maintenant, l'expérience longue de ce régime montre qu'il est incapable de dialogue ou de réforme parce que sa survie tient sur le fait de fonctionner comme il le fait et toute ouverture le met en danger par nature. Alors, victoire posthume d'Hafez al-Assad qui a passé son temps à essayer de remettre la Syrie dans le concert international, qu'on puisse entendre la voix de la Syrie, et aujourd'hui, malgré la position dans laquelle se trouve Bachar al-Assad, on s'aperçoit qu'effectivement, il est incontournable. Hafez al-Assad voulait faire de la Syrie un pays incontournable, et dans la pire situation, celle d'aujourd'hui, eh bien c'est malheureusement, en tout cas pour toutes les victimes syriennes, c'est malheureusement gagné, parce qu'il est incontournable, Bachar al-Assad, là, en ce moment. On se rend compte en fait que le temps joue assez largement pour lui, et je crois qu'inconsciemment ça fait partie du logiciel politique des dirigeants syriens, à savoir que à défaut d'appliquer le rythme démocratique chez eux, ils l'ont très bien compris chez leurs partenaires, et ils sont très conscients qu'à chaque nouvelle élection en Occident, que ce soit en France ou aux États-Unis, les compteurs potentiellement seront remis à zéro et on reviendra à l'idée que les Assad sont des interlocuteurs incontournables et qu'il faudra parler avec eux pour l'ensemble des crises régionales. C'est ce qui se passe avec les Russes et les Iraniens, absolument, notamment. Et pourquoi quel jeu jouent les Russes dans cette tragédie syrienne, là, aujourd'hui? Alors, les Russes ont un partenariat de longue date avec le régime syrien. Je crois que, en fait, plus que le régime syrien, que l'État syrien, que cette crise en particulier, à partir de la Syrie, ils ont pour ambition d'imposer leur syntaxe de ce que doit être la scène internationale, à savoir pas d'ingérence dans les États, la souveraineté des États doit être absolue. On ne déstabilise pas ou on ne soutient pas un mouvement populaire quel qu'il soit, parce que les régimes sont centraux. Et la crise syrienne leur permet d'imposer ce type de débat, on le voit à l'ONU, mais dans différentes enceintes. Et l'Iran, très rapidement, quelques secondes. L'Iran a sans doute le même type de calcul avec une proximité de terrain, c'est un acteur militaire en Syrie, sans doute une proximité plus forte aussi avec la personne d'Assad qui lui a permis le lien avec le Hezbollah et le soutien aux milices chiites. Merci infiniment Manon Nour-Tadous, docteur en relations internationales. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir, hein, parce que l'an dernier c'est tout récent, s'appelle Chirac, Assad et les autres. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les relations franco-syriennes sous Jacques Chirac, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons le soutien au SDF. Souvenez-vous des tentes au bord du canal de l'Ourcq à Paris.